bonjour à la dame, elle te répondra. Fais-lui donc un sourire, ça coûte pas bien cher. Je suis sûr en revanche qu'elle aussi sourira. Ça lui fera oublier que son chef est derrière. Et puis que connais-tu de ce monde où elle vit? Elle est là comme un pion que l'on a déplacé. Mais elle n'a pas le choix, faut bien gagner sa vie. Alors tes réflexions, tu devrais les garder. Tu sais juste râler comme bien des tristes cires. Tu ne fais rien de ta vie, tu ne sers pas à grand chose. On dirait que les autres sont là pour te servir. Tu te crois au bistrot, ose, développe ta cirrhose. Je suis sûr que chez toi, c'est le souk de partout. Et que derrière toi, il faut toujours passer pour amasser les restes que tu laisses n'importe où. Faut une sacrée patience, rien que pour te supporter. Je t'ai vu au guichet, agressif et mesquin, comme s'il n'y avait que toi qui sois là à attendre, comme si l'heure commandée que t'avais à la main te donnait plus de poids et le droit de te plaindre. Je t'ai entendu lui dire, mais elle fait quoi cette conne? Elle faisait son travail du mieux qu'elle le pouvait, et rien ne te donnait le droit d'être sans vergogne, sans la moindre chaleur, sans le moindre respect. Tu te crois tout permis dès que tu sors de chez toi, mais je suis sûr qu'au boulot, tu fais bien moins le fier. Dans le genre imbécile, pour faire plus fort que toi, faut au moins s'avaler une bonne dizaine de bières. Je bosse pas à la poste, mais j'aurais pu le faire. Y a pas de sous-métier, chacun a sa valeur. Et pour moi, éboueur, balayeur ou postière, vale bien pochetron, agressif et hâbleur. Bonjour à la dame, elle te répondra. Fais-lui donc un sourire, ça coûte pas bien cher. Je suis sûr en revanche qu'elle aussi sourira. Ça lui fera oublier que son chef est derrière. Et puis que connais-tu de ce monde où elle vit? Elle est là comme un pion que l'on a déplacé. Mais elle n'a pas le choix, faut bien gagner sa vie. Alors tes réflexions, tu peux te les garder. Tu devrais les garder. Style blues en français. Thank you. Thank you.